Chapitre 3. Il pleuvait de nouveau. Sans échanger un mot, les deux nouveaux amis, qui glissaient quand le trottoir était en pente, se dirigèrent vers la maison dont avait parlé l'homme sans nom. Henri Duchemin était indécis. Il lui apparaissait, dans cette rue à tout le monde, que le meurtre était plus difficile à commettre. Il finit par se rendre compte qu'il n'eût pas dû accepter, et comme à présent il était trop tard pour se dérober, il résolut de fuir. Mais soit qu'il attendît une bonne occasion, soit qu'il craignît l'homme sans nom, il remettait toujours à plus tard le moment d'agir. Enfin, à la vue d'un terrain vague, il s'enfuit à toutes jambes. Pour ne pas buter contre une motte ou une pierre, il levait haut les genoux, à la façon d'un cheval de parade. Sa cravate flottait derrière lui. Les creux et les monticules qui se succédaient sous ses pas lui rappelaient le temps où, enfant, il s'élançait du faîte d'un mamelon pour en gravir un autre plus facilement. Un point de côté l'obligea d'interrompre sa course. Henri Duchemin était d'une nature lymphatique sujette au point de côté. Grisé de liberté, le cou raide, il erra dans un sentier boueux. Des haies de branches mortes lui griffaient les mains. Le vent lui coupait la respiration. Il cogna du pied une boîte de fer blanc qui, en culbutant, aspergea ses chevilles. Malgré cet incident, il voulut siffler, mais l'air s'échappa de ses lèvres comme d'un tube. Il ne savait pas siffler. Alors il chanta la seule chanson qu'il connut par cœur. « Duchemin !» cria une voix lointaine, une de ces voix solitaires que l'on entend dans les bois le dimanche. Il écouta, sans respirer. Il avait peur. Il voulut courir, mais ses jambes étaient incertaines, comme à la guerre quand il portait un camarade pour faire le brancardier. « Ne crains rien, c'est moi !» C'était l'homme sans nom. Pour ne pas effrayer Henri Duchemin, il ne lui fit aucune remontrance. Au contraire, il lui dit qu'à sa place, il eût agi de la même façon. Les deux hommes quittèrent le sentier et sur le trottoir firent quelques pas, comme s'ils avaient des pieds beaux, pour détacher la boue de leurs souliers. Henri Duchemin, qui avait eu chaud, grelottait maintenant, ce qui lui fit appréhender une bronchite. Il ne songeait plus à se sauver et ne souhaitait que d'avoir un lit pour dormir. Les deux hommes errèrent une heure entière par les rues. Parfois, ils posaient le pied dans une flaque qui les éclaboussait jusqu'aux genoux. Ces incidents n'avaient que peu d'importance en regard de ce qui allait se passer. Devant une maison neuve, l'homme sans nom s'arrêta enfin. « C'est ici. » Il sonna, une fenêtre illumina la rue, un grouillement, un claquement de savates résonnèrent jusqu'au dehors. « Qui est là ?»« Moi !» La molette d'un verrou grinça et la porte s'ouvrit. Une ampoule fixée au plafond éclairait davantage le haut de l'antichambre. L'homme qui venait d'ouvrir était en manche de chemise. On devinait à ses cheveux, aux marbrures d'une joue, sur quel côté il venait de dormir. « Entrez, je vous précède, » dit-il. Dans la salle à manger, où il introduisit ses visiteurs, il y avait une corbeille de fleurs artificielles qui demeurait là, sur une console, été comme hiver. Un abat-jour de porcelaine blanche voilait une lampe électrique, immobile au bout d'un fil. Henri Duchemin ôta le pardessus qui engourdissait ses épaules, et, à l'aise, les bras plus longs, il chercha des yeux les taches de sa veste. Elles avaient disparu. L'homme sans nom s'allongea sur un canapé, les pieds en dehors, afin de ne pas salir le velours rouge. Il ferma les yeux et s'endormit. Henri Duchemin, assis dans un fauteuil d'osier, qui criait même lorsqu'on ne bougeait pas, soufflait dans ses mains. Les yeux clos, il s'imaginait que tout son corps baignait dans ce souffle chaud. Il sentait que ses pieds étaient froids et mouillés, mais cela ne le dérangeait pas. Les pieds, c'est si loin du corps. Parfois, une voiture passait dans la rue, tout près des volets. Soudain, on frappa à la porte. L'homme sans nom se releva comme un voyageur qui occupe de place. Henri Duchemin, qui cherchait à se reconnaître, ne comprit pas ce qui s'est passé. « Duchemin, c'est lui. » « Qui ?»« Le banquier. » En effet, c'était lui. Il portait un pardessus dont les revers étaient de soie et tenait à la main un chapeau haut de forme. Il entra, se courba pour saluer, s'assit sur une chaise, délia un journal et lut les cours de la bourse. Il y eut un silence que troublait seulement le froissement de la grande feuille de papier. Puis le banquier se leva, salua et sortit. Les deux hommes restés seuls eurent l'expression crapuleuse d'un couple qui a gagné la sympathie de ses maîtres. « Duchemin, suis-moi !» Sur la pointe des pieds, une main contre le mur, ils longèrent un vestibule qu'une veilleuse éclairait à peine. Entrons là. » Ils pénétrèrent dans une chambre tapissée d'étoffes à fleurs. « Assieds-toi, Duchemin. »« Bien. » « Déchausse-toi. » Henri Duchemin obéit. Il lui semblait, en faisant cela, que ce n'était pas ses propres souliers qui l'ôtaient. « Écoute-moi, Duchemin. » « Je t'écoute. » Le lit se trouve à droite, la fenêtre est ouverte, la lune t'éclairera. « Mais il n'y a pas de lune. » « Je te dis que la lune t'éclairera. Tu frapperas comme si tu voulais fendre un tronc. Alors tu seras riche. » De légers bruits traversaient le mur. « Prends ce marteau, le banquier est couché. » « Et s'il ne dort pas ?»« Va, c'est pour ton bonheur. » Henri Duchemin se leva, ses chaussettes mouillées imprimèrent des pas sur le parquet. Un maître le séparait de la porte quand il s'arrêta. « J'ai peur. » « Va, après tu seras riche. » « Je serai riche. » « Oui. » Il hésitait encore. « Va, je te dis, tu seras riche. » Henri Duchemin entra dans la chambre du banquier. Il avait si longtemps serré la poignée de la porte que ses doigts sentaient le cuivre. Comme l'homme sans nom l'avait dit, la lumière de la lune éclairait la chambre. C'était une lumière d'insomnie, une lumière pour des yeux malades. Le corps du banquier était caché par les couvertures et la tête posée sur l'oreiller semblait privée de tronc. Elle avait en outre cette tête d'homme mûr au cou nu, quelque chose de ridicule. Henri Duchemin savait que, pour ne pas faiblir, il fallait ne point penser. Il avança droit au lit, en songeant que ce n'était pas bien ce qu'il faisait, afin de ne pas penser à s'arrêter. Ses genoux artèrent le lit, il leva le marteau le plus haut qu'il put. Il ferma les yeux. Quand il les rouvrit, il vit du sang sur les draps et le marteau dans l'édredon. Un portefeuille se trouvait sur la table de nuit. Il le prit, sans penser que pour cela, il n'eût pas eu besoin de tuer. Puis il regagna la chambre où l'homme sans nom l'avait conduit. Elle était vide. La clarté abandonnée de la lampe n'éclairait que des choses immobiles. Henri Duchemin appela, ouvrit les armoires, toucha aux meubles, sans perdre de vue le commutateur, de crainte que quelqu'un n'éteignît la lumière. Il n'y avait personne. C'était impossible. Il devenait fou. Il s'écroula par terre. Accroupi le front contre le parquet, il resta longtemps dans cette posture, car ainsi il semblait qu'on ne pouvait rien lui reprocher. Quand il se releva, il se sentit mieux. Il se chaussa, regarda autour de lui pour voir s'il n'oubliait rien, traversa la salle à manger, endossa son pardessus et sortit.